Chapitre 7e. Vers cette époque, Madame de Rias eut le regret de se voir séparée pour quelque temps de celle de ses cousines qui tenait dans ses affections la place la plus large et la plus méritée. Madame de Lauris alla rejoindre son mari, récemment arrivé de l'Indochine, et qui devait passer une ou deux années à Cherbourg avant de reprendre la mer. En même temps, Madame de Rias, pour complaire à Lionel, laissait se refroidir sensiblement ses relations avec sa cousine de Chelles, dont elle se fit par parenthèse une ennemie cordiale. Elle reporta donc toutes ses ardeurs d'amitié sur la duchesse d'Estrény, dont les grâces languissantes, la mélancolie tendre et la distinction suprême avaient pour elle un grand attrait. Elles eurent cette année-là une loge commune à l'Opéra et aux Français. La duchesse payait d'un juste retour la sympathie de sa cousine. Elle se préoccupait affectueusement du bonheur de son jeune ménage. Elle l'interrogeait en fixant sur elle ses beaux yeux noyés d'une éternelle tristesse. « Ton mari t'aime-t-il bien, ma chérie ?»« Je le crois, » disait Madame de Rias. « Mais t'aime-t-il d'amour ?»« Oui, il me semble. »« Tu ne désires rien de plus ?»« Non. »« Pauvre ange, tu es heureuse. » Et elle lui baisait le front maternellement. C'était au reste une habitude de la duchesse que de porter des regards curieux et quelquefois peu discrets sur l'intimité conjugale des jeunes femmes de sa connaissance. Tous les maris, excepté le sien, étaient pour elle l'objet d'un intérêt particulier. Elle s'inquiétait de leur manière d'être, de leur langage, de leur procédé dans le sein de leur intérieur domestique, et elles établissaient ensuite mentalement des comparaisons où il est douteux que le duc obtint l'avantage. Le duc, il est vrai, continuait de la plaisanter cruellement sur ses manies romanesques et sur ses rêveries idéales, oubliant trop qu'on exaspère un malade en contestant le sérieux de sa maladie, et que cela lui donne la tentation d'en mourir. La duchesse, pour protester apparemment contre le matérialisme de son mari, et spécialement contre son brillant appétit, affectait de manger fort peu. Elle laissait croire volontiers qu'elle se nourrissait à peu près exclusivement de fleurs et de fruits. Elle mordillait tout le long du jour des feuilles de rose et des fleurettes de lilas. Quant aux fruits, elle n'aimait que les plus rares. Elle avait en toute saison des ananas dans sa serre. Elle les découpait elle-même en tranches fines, et elle en avait toujours des salades à côté d'elle sur un guéridon. Le duc, dans sa grossièreté joviale, prétendait qu'elle se relevait la nuit, comme la goule des contes arabes, qu'il l'avait suivie une fois par curiosité, et qu'il l'avait trouvée attablée devant un énorme pâté de lièvre et de jambon. « Ce qu'elle en mangea, » ajoutait le duc, « cela me fit peur à moi-même. » On dansait chez la duchesse tous les mardis, et Madame de Rias y était naturellement très assidue. Un soir, ou plutôt un matin, comme elle s'oubliait dans les délices d'un cotillon indéfiniment prolongé, sa cousine de Chelles, qui se retirait, lui dit par-dessus l'épaule en passant près d'elle, « Quand tu voudras ton mari, ma chère, tu le trouveras dans la serre avec Sabine, tu sais ?» Madame de Chelles accompagnait cet avis bienveillant d'un sourire qui ne l'était guère et qui n'échappa pas à Madame de Rias. Elle la remercia toutefois d'un coup d'œil et continua de danser jusqu'à ce qu'elle l'eût vue disparaître. Puis, prétextant la fatigue, elle fit une brusque révérence à son danseur et s'éloigna d'un air de nonchalance. Elle traversa deux ou trois salons qui étaient alors à peu près déserts et arriva bientôt devant une glace sans teint qui laissait apercevoir l'intérieur de la serre. La jeune femme plongea son regard entre les grands feuillages exotiques dont la serre était magnifiquement ombragée, et une sensation de froid passa subitement dans ses veines. Ce qu'elle voyait n'avait pourtant rien de fort extraordinaire. Son mari était paisiblement assis sur un canapé à côté de la duchesse, et ils causaient à demi-voix en souriant. Leur dialogue ne semblait même pas très animé. Il y avait des pauses et des silences. Par intervalles, la duchesse arrachait des brins de violettes qui s'étaient fanés sur son sein pendant la soirée et les mangeait. Seulement, de temps en temps, elle en jetait quelques-uns à M. de Rias, qui paraissait y trouver également beaucoup de saveur. Passant alors à quelque chose de plus substantiel, la duchesse prit dans une assiette du Japon une tranche de ses chers ananas et la mit sous ses dents blanches. Mais elle n'en mangea que la moitié, et après une minute d'hésitation pendant laquelle M. de Rias murmurait quelques mots probablement fort éloquents, elle lui en abandonna l'autre moitié. Madame de Rias, en voyant la progression inquiétante que suivait ce poétique repas, jugea inutile d'en attendre le troisième service. Elle entra dans la serre avec bruit. « Ah, vous êtes là !» dit-elle. « Eh bien, venez-vous. »« Comment, déjà ?» dit en riant Lionel, qui s'était levé avec empressement. « Mais il est à peine 3 heures, ma chère, vous m'étonnez. » Elle reçut, ou plutôt subit, le baiser d'adieu de la duchesse, et ils partirent. À peine en voiture, Madame de Ria s'endormit profondément dans un coin, et Lionel se sentit agréablement soulagé des appréhensions que sa conscience troublée lui suggérait. Arrivé à l'hôtel, il allait se séparer de sa femme après l'avoir conduite jusqu'au boudoir qui précédait sa chambre, quand elle lui saisit les deux mains avec une sorte de violence, le regarda dans les yeux et dit d'une voix brisée « J'ai tant de chagrin !» Puis il se jeta sur un fauteuil et se mit à sangloter amèrement en mordant la dentelle de son mouchoir. Cette explosion de douleur avait été si soudaine que M. de Ria s'en demeura d'abord interdit. Redevenu bientôt maître de ses esprits, il s'approcha de sa femme et, s'asseyant à ses pieds sur un tabouret, « Voyons, Marie, dit-il avec une grâce affectueuse, qu'y a-t-il, ma chérie ?» Et comme elle ne répondait que par de nouveaux transports de désespoir, « Oh mon Dieu, poursuivit-il, je sais ce que c'est. Vous m'avez vu manger les violettes de la duchesse, c'est cela, n'est-ce pas ?» Elle essaya de parler à travers ses sanglots. « Et l'ananas, dit-elle. L'accent pathétique avec lequel elle prononça ce mot fit sourire M. de Rias. « Et l'ananas aussi, dit-il. Alors c'est complet. »« C'est mon malheur qui est complet, dit tristement la jeune femme. « Quant à cela, vous ne le pensez pas, ma chère mignonne, reprit Lionel. Vous êtes trop sensée pour interpréter si sérieusement de pareils enfantillages. Vous savez bien qu'ils ne tirent pas à conséquence, surtout avec une personne comme votre cousine, qui est un pur esprit et qui s'en tient au langage des fleurs. « Et des fruits, dit Madame de Ries, qui se remettait tout doucement. « Et des fruits, si vous voulez. Ce n'est pas que je prétende l'excuser, notez bien. Ces sortes de coquetteries sont assurément fort inconvenantes. Elle a eu grand tort de se les permettre et moi de m'y prêter. Mais enfin, ma chère enfant, quelle est la moralité de cette histoire ?»« Franchement, je ne la vois pas, » dit Madame de Rias. « Eh bien, ma chère, permettez-moi de vous la faire voir, » dit Lionel, en se levant pour déployer plus à son aise son éloquence. Vous aimez beaucoup le monde. Votre vie, la mienne, par suite, n'est qu'un bal perpétuel. Vous dansez à Paris l'hiver, l'été aux eaux, l'automne à la campagne. Vous n'y voyez pas de mal, et cela vous fait honneur. Mais veuillez en croire mon expérience, si on allait dans le monde que pour y danser, passé 22 ans, personne n'irait. Il n'y aurait que des bals de collégiens et de pensionnaires, les salons se fermeraient. Le monde a malheureusement un autre genre d'attrait. Le monde est en réalité un commerce de galanterie et c'est là sa vraie raison d'être. La danse même n'y est le plus souvent qu'un prétexte et une occasion. Ce que les hommes y cherchent toujours et les femmes volontiers, c'est ce qu'on appelle un intérêt de cœur, bien que le cœur joue généralement un rôle très effacé dans ces choses-là. Il arrive même qu'on les rencontre, cet intérêt, sans le chercher, parce que cela est dans l'air, parce que cela est fatal, parce qu'il est impossible d'imaginer qu'un homme qui ne danse pas, qui ne joue pas et qui n'est pas un imbécile, passe chaque soir 3 ou 4 heures d'horloge dans un salon sans éprouver les tentations malsaines de l'ennui. C'est ainsi que, sans cesser de vous aimer parfaitement et uniquement, je me trouverai quelque jour une sorte d'infidèle, sans le vouloir. Quant à vous, ma chère, vous êtes encore tout entière aux ivresses innocentes de la toilette, du mouvement, de la sauterie. Mais un moment viendra où ces plaisirs vous paraîtront fades à vous-même, s'ils ne sont relevés par quelques distractions de plus haut goût. Bref, voulez-vous savoir quel avenir le monde promet à notre ménage si nous continuons de l'y traîner avec cet acharnement? Je vais vous le dire en 2 mots. Je vous tromperai, vous pleurerez et vous me pardonnerez. Vous me tromperez, je ne pleurerai pas et je ne vous pardonnerai pas. Je n'irai plus, murmura la jeune femme en essuyant de larmes qui lui étaient arrachées moins par la pensée de son sacrifice que par la sécheresse du langage de son mari. « Je ne vous demande pas cela. Je vous demande seulement de suivre le monde avec un peu plus de modération et de permettre que, dans ma juste défiance de moi-même, je vous y laisse aller le plus souvent avec votre mère. « Je n'irai plus, » répéta Madame de Rias d'un ton d'accablement. Vous y penserez, ma chère. Tout ce que vous ferez sera bien fait. Bonsoir. Pardonnez-moi, ou plutôt, plaignez-moi, car vous savez que j'exècre la nana. » Il lui baisa les cheveux et se retira. Il se retira, il faut l'avouer, assez content de lui-même. Par une savante manœuvre, il s'était fait de son tort un grief, et non seulement il s'était dégagé sans dommage d'une situation difficile, mais il en sortait avec avantage. D'une part, il avait reconquis, sous les prétextes les plus honorables, l'entière liberté de ses soirées. Il se flattait, d'autre part, qu'à force de rétrécir de plus en plus la sphère d'action de Madame de Rias, il la réduirait enfin à n'être plus dans sa maison qu'un point fixe, type achevé et sublime de la pure femme d'intérieur.